بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. لماذا تتكلمون بغير علم أنت أو غيرك؟ لماذا وأنتم تتزعمون أنكم دعاة سلفية بغير حق؟ لماذا تتكلمون بغير حق؟ والله يقول: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والحق قامت به السماوات والأرض. لماذا تدافعون غير حق؟ لماذا تضادون الدعوة السلفية في دماج؟ ما منتكم عليها ومن حضرتكم؟ إيه دماج ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها سار سنيا سلفيا في عهد مقبل ما كانت كذلك وغيرهم. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين وتأثر بشيخه أنهم خوارج في هذا الفكر، وبدأ ينشر بعض الكلام على أني ما قلت ولا قصدت ولا عنيت ولا كذا. كل هذا كذا، كيف ما قصدت؟ كلامك واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. تتكلم على أهل السنة، تتكلم على الشيخ ولا طلابه أنهم كانوا خوارج، أنك ما تحسنون بهم الظن وأنكم كذا. وإيش أنت يا أخي؟ فين نزلت نفسك؟ فين؟ وين رايح أنت يا بخاري؟ وين؟ طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، on a fini في الدرس السابق ما يتعلق بكتاب الإبانة. حقيقة on a اختصر جدا. Le but c'était de montrer quelques contradictions فقط. أما كتاب الإبانة تقدم لنا des ردود قوية طيبة. Ils ont été écrits خاصة كتاب الشيخ سعيد بن دعاس رحمة الله عليه تنزيه السلفية. On l'avait lu في دماج مع بعض الإخوان. Lakin, on n'avait pas enregistré. Et on avait résumé ces redoutes dans les kalimates qu'on avait fait Tanzih al-Salafiyya, min al-Qawaid al-Khalafiyya. Wallah ilhamd, ces dorosses ont été propagées. Fahada ma yata'allak bil-Iban. C'est un kitab qui a été écrit pour soi-disant éteindre une fitna. Et fil haqiqa, ce livre n'a fait que propager le fitna. Ce qui est un fitan, c'est al-dalil, al-haq, al-burhan. C'est ça qui est un fitan. Amma mukhalafat al-dalil, ça fait qu'amplifier les fitan. Qala azza wa jal, falyahdhari alladhina yukhalifun an amrih, an tusibahum fitnatun, aw yusibahum adabun alim. Éteindre les fitan, c'est pas avec ton avis. Éteindre les fitan, c'est pas avec les sentiments, là. Éteindre les fitan, c'est avec... قال الله قال الرسول منهج السلف الصالح بإذن الله تتن لفتن بهذا. واليوم نقرأ عليكم تناقضات عبد الله البخاري في ذلك الشريط. En 1431 en 1432 نسيت مهم يا quelques années الآن خرج شريط أن أجو لعبد الله البخاري. Et cet audio, en fait, c'est un peu il ne voulait pas qu'il se propage. Et ça montre que ce n'est pas une alama tayyiba. L'imam Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, il a démontré que si les gens font des choses secrètes, il a précisé, des assises secrètes, ils sont à la ta'assise dhalala. لا يجوز هذا، لا يجوز لزعسي السكرت تنصح فلو للإسلام والمسلمين خاصة مثل هذه الفتنة اللي سيبخوباجي بارتو تا كلكو شوز مونتر مونتر سلوي كاتور في التوبة et si t'as tort انت t'es conseillé. أما لزعسي السكرت y'a aucune فائدة. لماذا non par لزعسي السكرت dans une chose où y'a une منفعة للمسلمين مثلا une فتنة اللي سيبخوباجي une chose qui سيبخوباجي لماذا essayer de résoudre cette chose secrètement y'a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Awalan, ceux qui sont à la khata, ils ne t'écoutent pas. Et deuxièmement, si toi tu es en erreur, qui c'est qui va te conseiller? C'est une chose qui s'est fait secrètement. Et Robama, ceux qui sont avec toi, ils pensent que tu es à la haq. Cette assise, elle a été faite, elle a été enregistrée. Et c'est ce qui est dit, Abdallah al-Bukhari, il a demandé que ça ne soit pas propagé. Il a dit, à qui ça s'est propagé? Ça montre à ceux qui sont hawla, ils n'ont pas d'amana. Au ba'dhum. Il leur a dit à la fin, est-ce que c'est enregistré? Ils lui ont dit, na'am. Il a dit, propagez là-bas. Voilà, chacun, c'est eux qui ont enregistré l'audio, il était indahum. Comment ils se retrouvent sur Internet? Ar-rukun ila al-du'afa, ça pousse au da'af. Ar-rukun ila al-juhal, ila ashab al-tanaqudat, ashab al-hizbiya, ça fait du mal au shakhs. Voilà, tarkanu ila al-ladina al-zalamu, fatamassakum al-na. Il a sorti un charit. Haqiqa, nous ne va pas. Charit, Cheikh Yahya, Havidahullah, il a redd alayhi, ma'rouf. Et nous ne va pas citer tout son kalam. On répète un al-maqsoud, c'est citer al-tanaqud, les contradictions. Amma, dans son charit, ils lui ont posé la question sur la visite de Cheikh Mohammed Mani' Hafidahullah et Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi Hafidahullah ta'ala. Ils devaient se rendre en Indonésie et ils sont partis en Indonésie faire da'wah. Et ha'oula al-muta'athirin bihadil hizbiyya, ils ont demandé à Abdallah al-Bukhari sur les deux Cheikh, est-ce qu'on assiste pas. Thumma ta'ana fi Cheikh Yahya bi shidda wa ta'ana fi Cheikh Muqbil, comme on verra Inch'Allah ta'ala. Tout ça, fil haqiqa, ça montre son da'af. Ça montre son da'af. S'il veut mettre en garde, et il a des adillah, mais en garde. Des adillah wa barahim. Vous allez voir qu'il n'y a pas de hujjah. Thumma, il demande que le charit ne soit pas propagé. Thumma, le charit, il est propagé. Thumma, il fait soi-disant tawba. Si, il a critiqué Cheikh Mokbil, il fait tawba. Et il met bien si, huwa. Il n'est pas convaincu que c'est une critique. Alors que vous allez voir, kalam, il est wadih, il est khatir jiddan. À la kulli hal, la haqiqa, kadhalik, son charit hada, il a fait que amplifier la fitna. Pour eux, mais ashab al-haq, ils sont à la haq. Ashab al-haq, Cheikh Yahya, il a répondu fi charit, et il a avancé, il n'en parle plus. Allah al-musta'an. Et ça montre qu'il y a des choses qui sont faites visirriya. Des choses qui sont faites bisserriya contre cette da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala fadaha al-rajul avec ce charit qui s'est propagé. Lakin Allah alam, qu'est-ce qui se passe? Allah alam. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dina. Naqra at-tanaqudat awwalan thumma labas. Si on a le temps, fait une ishara sur le ta'am de Cheikh contre Cheikh Mokbil et on montre que c'est un ta'am. Wa illa inshallah gadan. Nabda bit-tanaqudat. Qala Abdullah al-Bukhari hadahu Allah. خمي تناقض قال دورة العام الماضي كان فيها نفع عظيم بحمد الله. Il parle de la dawra qu'ils ont fait eux. لأن en Indonésie il y a une dawra. Abdullah al-Bukhari il a assisté. الآن il veut mettre en garde contre la dawra. La dawra c'est une assise avec des doros, des muhadarat, un séminaire ils traduisent. الآن il met en garde contre la dawra al-Sheikhayn. Il parle l'un du séminaire qu'ils ont fait eux. قال دورة العام الماضي كان فيها نفع عظيم بحمد الله ولا تعرضنا لكلام فارغ ولا تسفيه لأحد. Il prétend voir dans leur séminaire, il était nafi. Il n'y avait pas de kalam farigh, il y a des paroles inutiles. Et le shahid هنا قال ولا تعرضنا لتسفيه أحد. Et on ne dit pas Fulan c'est un safih, Fulan c'est un safih. Il vise le Cheikh Yahya et ses élèves, ils disent Fulan safih, Fulan safih. Il dit ça au début du shari. Thumma, troisième minute, et quelques secondes après ce kalam, il dit La tashtaghilu biha ula as-sufaha. Il prétend ne pas dire Fulan c'est un safih, Fulan c'est un safih. Il y en a pour lui, ça ne se dit pas. Pour lui, c'est un mauvais comportement. Pour lui, c'est du relou. Quelques minutes après, il le dit. Il dit La tashtaghilu biha ula as-sufaha. يعني شيخ محمد مانع حسن بن قاسم الرئي ثم سيزيام مينوت 3 مينوت ابخا يقول لا تدخلوا في مطهرات مع هؤلاء السفهاء ça c'est celui qui prétend il faut pas dire que les gens c'est des soufaha قد يقول قائل mais là lui il voit que اصحاب دمج c'est des حزبي c'est des كذا لهذا il dit soufaha là dans son قول il a dit لأحد c'est من الفاظ العموم ولا تسفيه لأحد الان en quelques minutes il se fait une umma, pas واحد فقط. وقال la 18e minute, كذلك قال على كل حال انتم لا تشتغلوا بهؤلاء السفهاء. Et nous avons qu'tasserna trois exemples, la 3e minute, 6e minute, 18e minute. لكن ربما il l'a dit encore كثير. Il l'a dit plusieurs fois. ربما il l'a dit 6 ou 7 fois. ما ايش هذا التناقض؟ Tu reproches et tu prétends des choses ثم في نفس الشريط تتناقض. التناقض الثاني, deuxième contradiction. قال عبد الله البخاري في بداية الاتصال قال أظنكم سمعتم أن الشيخ ربيع لا يعلم بهذه الدورة من قبل. يبخطأ أن الشيخ ربيع لا يعلم بهذه الدورة من قبل. يبخطأ هذا. يدي أن ceux qui l'appellent vous, il vous est parvenu que الشيخ ربيع il est pas au courant de cette دورة. أي l'arrivée des deux sheikhs Mohamed Mani et Hassan ibn Qasim en Indonésie. Sheikh Rabi' il n'est pas au courant, il prétend. Thomas Yaqul, juste après, Yaqul, Ana sa'altu Sheikh Rabi', hal zakkayta hadhihi ad-dawra? Sawa. Ana sa'altu Sheikh Rabi', hal zakkayta hadhihi ad-dawra? Il prétend أنه il a demandé à Sheikh Rabi', est-ce que tu as fait une tazkiya à cette dawra? Thomas Yaqul, fa qala Sheikh Rabi', ma 'alimtu 'anha illa minka al-an. Tout ça, ça montre أن celui qui a informé Sheikh Rabi' de cette dawra, c'est Abdullah al-Bukhari. اسمع التناقض كما يبقى سكون خديع الآن. قال tout ça c'est le même chari, tout ça c'est le même audio, c'est quelques minutes, ça montre encore plus التناقض. Te contredire aujourd'hui, maintenant tu dis un kalam aujourd'hui et tu te contredis dans une semaine, là il y a juste لأن الحق لواحد, t'as pas le droit de te contredire. Si tu t'es trompé, tu montres que tu t'es trompé. أما التناقض لا ما بلوك, le même audio, la même assise entre le kalam, il y a des secondes فقط, des minutes. قال قال البخاري لقمان, لقمان سي ان طالب كيتي ا دمار سا هارق اذن غونفلي فقط والله سان جاهل. لقمان الاندونيزيان معروف انه سان جاهل الى غيبان اندونيزيان فخوه. لقمان اتصل بالشيخ ربيع وساله عن هذه الدوره, لماذا يساله؟ Il prétend que c'est lui qui a informé الشيخ ربيع de la دوره et que Sheikh Rabi' ne connaissait pas. Al-An, il reproche à Luqman, l'imada, il a appelé Sheikh Rabi' pour lui demander Anid Daura. Ça veut dire que Al-An, il y a une contradiction. Qui c'est qui a informé Sheikh Rabi'? C'est toi ou c'est Luqman? Un qu'on lui dit c'est lui. Al-An, il reproche à Luqman, l'imada, il a appelé Sheikh Rabi' pour la Daura. Et Luqman, il a appelé avant lui. Fali-had, Al-An, il fait une reproche. Qal al-Sa'il. لأنه سمع أن الشيخ ربيع قد أوصى بالحضور أي الشيخين وزكاهما. الشيخ ربيع il a fait التزكية des deux شيخ et d'assister. C'était à l'époque. الآن هذا الكلام سابلي با البخاري أبدا. قال فكيف أو بدو التناقض الآن, فكيف يخبر أنه هو الذي أخبر الشيخ ربيع بالدورة وهو كان لا يعلم بها ثم ينقل أن لقمان سأل الشيخ ربيع عن الدورة. كما شوف الآن il prétend que Cheikh Rabi' il ne connaissait pas et c'est lui qui lui a il l'a informé qu'il va avoir un séminaire des mashaïkhs de Dammar. Thumma il reproche à Luqman, limada Luqman il appelle Cheikh Rabi' pour lui demander anid dawra. Contradiction, on ne sait plus qui c'est qui a informé Cheikh Rabi'. Thaniyan, limada il reproche à Luqman d'appeler Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' c'est un savant. خاصةً هم يقولون شيخ ربيع شيخ ربيع, لماذا الآن تغبخش؟ si شيخ ربيع s'est trompé démontre بعلم. أما هو لا الآن يغبخش, لماذا لقمان il appelle شيخ ربيع pour lui demander عن الدورة؟ ça montre quoi هذا؟ ça montre العلم et ça montre الهدى. سيأتي الكلام, on va voir تناقض par rapport à مسألة مع الشيخ ربيع. troisième تناقض, قال السائل أي ça suit le deuxième. قال لأن المتكلم لأن الكلام شيخنا كما قلنا هؤلاء أي pourquoi لقمان il appelle شيخ ربيع pour lui demander sur ce séminaire. Il répond لأن الكلام شيخنا كما قلنا هؤلاء نشر أن الشيخ ربيع وصى وزكى هذه الدورة وأوصاهم بالحضور معهم. عبد الله البخاري الآن الكلام أزعجه. Pourquoi لقمان il appelle شيخ ربيع؟ الشيخ ربيع il dit نعم assisté. Assister à ce séminaire avec ses majaïs. Et prenez de l'ilm. Al-An Az'ajahoua, il demande pourquoi, et ou Alam, je ne sais pas si vous avez écouté l'audio, lakin al-kalam il est bi ghadab. يجي لماذا لماذا لماذا يتصل لماذا كذا. قال عبد الله البخاري après ça quand il a entendu la réponse de Cheikh Rabi' قال هذا اجتهاد من الشيخ وفقه الله. Il a un taïb. Un ijtihad de Cheikh Rabi', lui il n'est pas d'accord. Omel cite des preuves là pour nous démontrer qu'il ne faut pas, ses frères indonésiens, ils n'assistent pas à Indahoula. Montre-nous. Pour lui, c'est un ijtihad de Cheikh Rabi'. Et là, chacun de Cheikh Rabi', il peut avoir raison, il peut se tromper. Lakin isma' al-tanaqud. Qala, ay Abdullah al-Bukhari, ala kulli hal, hada ra'i al-Sheikh, ay c'est l'avis de Cheikh Rabi', wa arada bihi takhfif al-mashakil. On ne sait pas comment il sait هذا. إنما الأعمال بالنيات. النية c'est dans le cœur. Il dit l'âme. Cheikh Rabi, il conseille d'assister au séminaire, à la daura. Lakin, il ne veut pas ce kalam. Il fait un ta'wil du kalam. Il dit l'âme, Cheikh Rabi, il a ça. Lakin, il voulait خفف المشاكل. Man, qui c'est qui t'a informé de هذا? C'est dans son cœur. قال وعلى كل حال. Entendez, il dit دائما على كل حال. لأن il accepte pas le kalam. Et il essaye de démontrer أن الشيخ ربيع لا بابو لجغصة قال وعلى كل حال ليس هذا في ظني أن هذا موجب للجميع أن يحضر الشباب ويمشون إلى هؤلاء. الآن جبوسية التناقض لكن يفهموا هذا الكلام هو يجي الآن il essaye de d'interpréter كلام الشيخ ربيع. ثم il sait très bien que كلام الشيخ ربيع à l'époque il était واضح, vous pouvez assister là. Il dit c'est un avis de الشيخ ربيع et ça implique pas que tout le monde écoute. Et نعم et là هنا lui il a pris un autre avis. S'il a des adillas, il n'est pas obligé de qallib. Lakin, huwa, il n'a pas d'adillas. Et nous, ce qui nous intéresse, on a cette tanaqud, isma' al-kalam. Qala, ba'da qalib, à la fin du shari, qala, mal, liyanna, ils lui ont cité après, Cheikh Rabi' il a zakké Cheikh Ubaid, Cheikh Rabi' il cite des paroles, que Cheikh Rabi' est khalif dans certains points d'hommage. Et lui, il dit, par rapport à ceux qui khalif Cheikh Rabi', isma', qala, man lam yubali bi kalam Cheikh Rabi', fala tubalu bih. Alors qu'il y a quelques minutes, il a dit Kalam Cheikh Rabi, t'es pas obligé de le suivre. Là, quand c'était pour lui, Awalan il reproche pourquoi t'appelles Cheikh Rabi. Thomas Yaqoul, le Kalam Cheikh Rabi, ça n'implique pas que tout le monde le suit. C'est un ijtihad, c'est son avis. Thomas, quand c'est pour nous, Yaqoul, man lam yubali bi Kalam Cheikh Rabi, fala tubalu bi. Celui qui écoute pas Cheikh Rabi, ne faites pas attention à lui. Hada fi al-haqiqa, c'est du ghulou, chadid. Celui qui ne suit pas le kitab ou le sunnah. لا تبالوا به celui qui خالف الكتاب والسنة انتبهوا أما كلام شيخ ربيع je peux le خالف dans une مسألة et j'ai le حق j'ai la parole d'un autre savant avec un دليل. الكلام الآن il est خطير لأن c'est du عموم من لم يبالي بكلام شيخ ربيع فلا تبالوا به. Alors que lui-même il a délaissé la parole de شيخ ربيع. Pourquoi il a pas pris قول شيخ ربيع? Il dit assister à la دورة. Pourquoi il a délaissé son قول? Ça montre الهواء, ça montre حزبية واضحة. T'es avec nous ou t'es contre nous? T'es sur haq si t'es avec moi. T'es pas avec moi, t'es à la batil. Abadan. Abadan. Celui qui contredit Adillah, il est à la batil. Ama celui qui te contredit Ant, wa rubbama il est à la haq. Il a chaque, il est haq, il est à la haq dans cette mas'ala. Qala khuduha minni. Il continue. Khuduha minni. Man lam ya'khud bi nasihat al-shaykh wa lam yubali bih, la tubalu bih, wa la karama. Celui qui prend pas le conseil de Cheikh Rabi', délaissez-le. Donc on va te délaisser. Et Cheikh Rabi', il a conseillé d'assister. On parle à cette époque. À cette époque, Cheikh Rabi', il avait conseillé d'assister. Tu l'as khalif. Donc on te délaisse. Ala qawlik. Tanaqud ajib. Allah, l'haqiqa, ce n'est pas un kalam ilmi. Abadan. Tu as déjà entendu kalam à immat l'islam, à immat l'huda. Ils disent mitla hada. Appelé à ce taqlid wadih et se contredire. Il le ferait, il aurait appliqué. On aurait dit c'est un muqallid et là il vous a taqlid. Là il a les moyens de lire, de comprendre. Ma balouk, il appelle au taqlid et il se contredit. Ma balouk. Tanaqud et taqlid. Deux maladies. Tanaqud rabi', quatrième contradiction. Qala Abdullah al-Bukhari. Qala wa ra'i Sheikh Ubayd, jazallahu khayr, mabni ala al-hukm ala Sheikhihim. Léana wahad, il va lui dire Anna Sheikh Ubayd, il a mis en garde. Donc tu as deux cas. Cheikh Ubaid il met en garde contre les deux cheikhs qui vont venir en Indonésie. Et Cheikh Rabi' il ne met pas en garde. Normalement tu dois avancer avec des qawaid qui c'est quatre dalil. Al-Jarh Mufassar il est muqaddam s'il a de dalil. S'il n'y a pas de dalil, on reste sur l'as. Annahum c'est des gens tayyib. Il a akhri muhim. Tout ça eux ils le délaissent. Thumma qal. Donc il a cité la parole de Cheikh Ubaid qui met en garde. Thumma qal. Wa kawnuhu أي عبيد أفتى بتحريم الدراسة على يحيى الحجوري أو في دماج على يحيى الحجوري، هذا رأيه حفظه الله، وهو لم يحذر من دماج عموما، إنما حذر من هذا الرجل. Il prétend dans le premier قول شيخ عبيد il a pas parlé directement des deux personnes, des deux شيخ شيخ محمد مالك و شيخ حسن مقاصد. لكن عبد البخاري دي أن le قول de شيخ عبيد il est basé par rapport à Yahya al-Hajouri. Vu que Yahya al-Hajouri, pour lui, c'est un égaré, ses deux élèves, c'est des égarés. Donc, tu ne l'as pas. Thumma, il se contredit, il dit Anna Sheikh Ubaid, quand il a haram d'Allah Dammaj, il n'a pas mis en garde contre Dammaj. Tous. Là, il a mis en garde contre le Hajouri. Les mains, là, tu te contredis. Marra, tu dis que le Rad, il est que pour le Hajouri. Et une autre fois, tu dis ça englobe les autres. Les mains, là, tu as dit. Et on a répondu à Hadha. Celui qui met en garde contre Cheikh Yahya et contre Dammaj, il met en garde Kadalik contre ses élèves. Il y en a ses élèves, ils ont le même seuil. Inch'Allah, ils sont à la haq. Et ils ont pris le qawl bil dalil. On avait expliqué cette masala. Ils essayent de faire contre Cheikh Yahya et Dammaj. On est au quatrième tanaqud. Al-Khamis, cinquième tanaqud. Qawl al-Bukhari, Allahu a'lam bihim. La a'rif ha'ula an-nas. Au début de la cassette, il dit ha'kada. Il dit Allahu a'lam, je ne les connais pas. Aïe, Cheikh Mohamed Mani' et Hassan bin Qasim. Au début, il prétend ne pas les connaître. Thumma yaqul, thumma qal, kam sayajlisun ha'oula. Et il demande combien vont rester ha'oula. Qala al-muttasil sayajlisan shahran. Et ils vont rester en Indonésie un mois. Qala al-Bukhari, hadha hakadha yanshuran al-fitna. Il parle qu'annahu il les connaît. Il demande combien de temps il reste. Thumma il prétend, ils vont propager la fitna. Comment tu sais qu'ils vont propager la fitna alors que tu ne les connais pas? Rubama, tu ne les connais pas, Rubama, c'est des gens qui vont appeler au Khayr. Kajakul Qa'il, mais c'est des élèves de l'Hajouri. Et lui, il parle par rapport à l'Hajouri. Falimada, il cite la parole de Cheikh Ubaid, d'Anna Cheikh Ubaid, il a haddar contre l'Hajouri. Dans les deux cas, il est mutanaqid. Tanaqid al-Sadis, sixième contradiction. Qala al-Bukhari, la majal les shakakin fi da'wati salafiyya. Shakakin, aïe, ceux qui ont des doutes. قال الدعوة السلفية تحتاج إلى صدق وإلى عزيمة وأن لا ينظر الإنسان إلى لومة لائم من هؤلاء المخذلة. على فن الكاسيت على فن دوجو يفعل une soi-disant نصيحة لأن il a vu que هؤلاء ils ont des doutes parmi leurs doutes et ça montre qu'ils sont pas à la ilm. الآن c'est une assise. Allah alam, ils sont combien? Ils appellent Abdullah al-Bukhari, ils ont un ishkal. Cheikh Ubaid il met en garde, Cheikh Rabi il met pas en garde. Aïn al-ilm. Il est où l'ilm? L'ilm c'est que tu te comportes, il y a un khilaf, tu te comportes avec ilm. Tu demandes l'adilla et tu prends al-qawa'id al-salafiyya et t'avances. Tu khalif Cheikh Rabi ou Cheikh Ubaid, l'essentiel c'est que tu khalif pas l'haq. Lakin, il a remarqué ou quoi qu'ils ont des doutes. Faliyada yaqul la majal lishakakin fi da'wa salafiyya. Il n'y a pas de place pour ceux qui ont des doutes. قال الدعوة السلفية تحتاج إلى صدق وإلى عزيمة. أي الدعوة السلفية t'as besoin d'être véridique, t'as besoin de عزيمة, أي de courage. كلام طيب. ثم قال وأن لا ينظر الإنسان إلى لومة لائم من هؤلاء المخذلة. Tu fais pas attention à ce qu'ils vont dire, ceux qui te contredisent. هكذا il leur dit. ثم قال ونحن, il parle de lui, ونحن لو مثل هذا نلتفت إلى لوم إلى لوم لائم ونخاف ونحجم ما أقدمنا ولا علمنا ولا درسنا. Et lui, il prétend, il donne un exemple de son nafs. Il dit, si nous on aurait eu peur des critiques, on aurait eu peur de fulan, on n'aurait jamais avancé, on n'aurait jamais fait de durus, on n'aurait jamais mis en garde. يتناقض على فضل كذا يقول سجلتم هذه الكلمة. Est-ce que vous avez enregistré cet audio? المتصل dit نعم. L'Indonésien dit نعم, on a enregistré. قال البخاري إيه يكون بينكم هذا فقط ما يخرج إلى غيركم. أليو لا شجعك تابلي الوقوف في الحق. Il faut avoir peur de personne. Il faut pas avoir de doute. Cheikh Yahya بعد هذه il lui a donné ce qui mérite. جزاه الله خير. Il appelle à une chose. Et هو هو في الحقيقة il aurait dû insaf ceux qui écoutent. Il aurait dit ya Cheikh, tu viens nous dire il faut avoir du courage. Non, ça c'est حق propre. لكن هو il sait très bien. Il sait très bien. Il sait très bien. Non, le kalam il l'a dit هكذا. C'était pas préparé. Badamnas, s'il ne prépare pas son kalam, il n'est pas madbout. Il a tapé sur Cheikh Mokbil, sur Cheikh Yahya. À un moment, il dit, alors qu'on est en guerre, ou on sort d'une guerre, on est entouré par les rawafid, ma'rouf l'hal qu'on est à Dammaj. Et à un moment, il dit, il fait des du'as. qatalahullah jami'a, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des tullab ilm, t'es pas d'accord avec eux, montre. Amma hakada du'a qatalahumullah jami'a, il cite des kalam hakada shadid. Thumma, il rapporte la parole de Cheikh Ubayd, et c'est une il dit là, Cheikh Ubayd, il répond qu'à Dammaj. Il critique plutôt que le Hajouri. Il parle pas de Dammaj. Il critique le Hajouri, il parle pas de Dammaj. Dammaj, les gens, ils ont été pour étudier chez les cailloux. Voilà. Thumma, il dit qatalahumullah jami'a. Si c'est que le Hajouri, limada, déjà, t'as pas le droit de dire qatalahullah. Et si c'est que le Hajouri, limada, tu dis jami'a. C'est qui jami'a? Ça englobe qui? Cheikh Yahya les cailloux. ولا تتعجب من هؤلاء والله كما قال الشيخ لا علم ولا حلم والله الكلام اللي با مضبوط حتى une personne qui a une faveur veut le haq il se dit انا je suis pas convaincu par la parole de Cheikh Yahya مثلا ثم il écoute cette cassette fa comment il va être convaincu pas de dalil pas de parole de a'imma pas de hudu pas de ولا شيء سب وشب il s'énerve il se contredit on en a cité 6 et l'ikhwan ils en ont cité اكثر On a résumé Hakada, l'Aqiqa ça suffit. Lakin, si tu viens apprendre le shari et t'écoutes et tu fais le lien entre le kalam, tu vas trouver akthar. Voilà. On s'en va à la fille et au tabat. Dahab al-waqt. Demain, on lira son ta'an qu'il a fait sur Sheikh Mokbel et sa soi-disant tawbah. Et inshallah, inshallah subhanahu wa ta'ala, an yujannibana fitan ha'ula wa fitan al-maftouni. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي